que les balles feront taire les guitares, que la morale animera les barbares, que les bouquets à terre fleuriront le bitume, qu'on saluera nos frères en hommage posthume, tant que les peurs attisseront les rengaines des électeurs des partis de la haine, qu'on fera retentir des bombes en représailles chez les enfants martyrs d'une guerre sans bataille. Sur le sommet de la plus haute dune, au bord reflet des flots baignés de lune, lassé de trop attendre un bonheur illusoire, j'irai jeter les cendres de mes défunts espoirs. Le profit s'alliera la passion, qu'on ne tendra la main que pour mieux recevoir, qu'écraser son prochain sera jubilatoire, tant que l'ivresse d'un progrès sans frontières n'aura de cesse de malmener la terre. Quand il ne restera plus rien à en tirer, nous aurons l'air de quoi s'y à contempler. Symbole de nos désillusions. Sur le sommet de la plus haute de Dieu, quelques